quoi pas si le temps rime. Comme cure la viande sans rire. Empoisonnez-moi, je suis foutu, moi vous n'avez pas le choix. Empoisonnez-moi, je suis foutu, moi vous n'avez pas le choix. Être sous la pluie comme tout ce qui vit la nuit. Sur un banc assis comme jugé, c'est loin comme si les rêves n'arrivaient pas, comme si le bonheur n'était pas pour soi. Empoisonnez-moi, je suis foutu, moi vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Pas le choix. Être pas la pluie comme être pas la cible, ne tenir qu'en sous. Empoisonnez-moi, je suis foutu et moi vous n'avez pas le choix. Oh,